50 languages. 76. 76. 76. Ibda'u al-asbab 2. Argumenter quelque chose 2. Argumenter quelque chose 2. Lima lam ta'ti? Pourquoi n'es-tu pas venu? Pourquoi n'es-tu pas venu? Kuntu marida. J'étais malade. J'étais malade. Lam ati li'anni kuntu marida. Je ne suis pas venu parce que j'étais malade. Je ne suis pas venu parce que j'étais malade. Lima lam ta'ti hiya? Pourquoi n'est-elle pas venue? Pourquoi n'est-elle pas venue? Kanat mutaba. Elle était fatiguée. Elle était fatiguée. Lam ta'ti li'annaha kanat mutaba. Elle n'est pas venue parce qu'elle était fatiguée. Elle n'est pas venue parce qu'elle était fatiguée. Lima lam ya'ti? Pourquoi n'est-il pas venu? Pourquoi n'est-il pas venu? Lam takun ladayhi ar-raghba. Il n'avait pas envie. Il n'avait pas envie. Lam ya'ti li'annahu lam takun ladayhi ar-raghba. Il n'est pas venu parce qu'il n'avait pas envie. Il n'est pas venu parce qu'il n'avait pas envie. ولم لم تأتوا؟ Pourquoi n'êtes-vous pas venu? Pourquoi n'êtes-vous pas venu? سيارتنا كانت معطلة. Notre voiture était en panne. Notre voiture était en panne. لم نأتي لأن سيارتنا كانت معطلة. Nous ne sommes pas venus parce que notre voiture était en panne. Nous ne sommes pas venus parce que notre voiture était en panne. Lima lam ya'ti an-nas? Pourquoi les gens ne sont-ils pas venus? Pourquoi les gens ne sont-ils pas venus? Qad fatahum al-qitar. Ils ont manqué le train. Ils ont manqué le train. لم يأتوا لأن القطار فاتهم. Ils ne sont pas venus parce qu'ils ont manqué le train. Ils ne sont pas venus parce qu'ils ont manqué le train. ولم لم تأتي أنت؟ Pourquoi n'es-tu pas venu? Pourquoi n'es-tu pas venu? لم يسمح لي. Je ne le pouvais pas. Je ne le pouvais pas. لم آتي لأنه لم يسمح لي. Je ne suis pas venu parce que je ne le pouvais pas. Je ne suis pas venu parce que je ne le pouvais pas.